بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 9 dans l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih Al-Wajib ala kulli muslim i'tiqaduh. La croyance qui est correcte ou qui est bonne et qui est authentique et que chaque musulman doit obligatoirement avoir comme conviction. Et on est toujours dans le sixième chapitre dans le livre, et dans ce chapitre maintenant on est en train de parler du verdict de celui qui est tombé dans les kaba'ir, qui a commis des grands péchés. Donc on a déjà expliqué certains points, parmi les points les plus importants. Premièrement, on a expliqué que les péchés ne font pas sortir de l'islam du moment que ce n'est pas du shirk. Hein? À moins que la personne le déclare licite. Déclare le péché en question comme étant licite ou permis. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que ça devient une forme de istihlal. On rend licite ce qui est haram. Alors ça, c'est considéré comme étant kufr par tous les savants de l'islam. C'est le consensus de la Ummah à ce sujet-là, que quiconque déclare licite quelque chose qui est haram, ça c'est considéré comme une forme de kufr, une forme de mécréance. Parce qu'on a démenti Allah et on a démenti le Coran et la Sunna. Alors ça, c'est comme si on rejetait l'interdiction. C'est comme si on reniait ce que Allah a révélé à ce sujet. Et on a expliqué que celui qui, parmi les musulmans, commettait un grand péché qui est moindre que le shirk, et bien qu'il était sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui faire miséricorde, il va le pardonner. C'est-à-dire, s'il meurt sur un péché qui est moindre que le shirk sans se repentir, Allah va faire avec lui ce qu'il veut. Soit il va lui pardonner par sa miséricorde, ou soit il va le châtier par sa justice, selon la proportion du péché qu'il a commis, et il va être purifié de ce péché-là dans l'enfer pendant un certain temps. Mais il va être, à cause de son tawhid, sorti de l'enfer un moment donné, et il va entrer au paradis par la suite. Le seul qui va demeurer éternellement en enfer pour l'éternité, c'est celui qui a commis une forme de shirk majeur ou une forme de kouf majeur. D'accord? Et on a expliqué par la suite que la personne qui a commis un grand péché parmi les musulmans, soit le meurtre, le zina, ou bien la transgression, le vol, ou des grands péchés parmi les grands péchés, on va pas se retenir de dire à son sujet qu'il est musulman malgré ce grand péché-là. D'accord? Même s'il a commis ce grand péché, on va pas s'abstenir de dire à son sujet que c'est un musulman. Sauf qu'on va en même temps dire qu'il est un pécheur. Mais toutefois, on ne va pas le déclarer mécréant, puisque le fait de commettre un grand péché, on a déjà expliqué que ça ne fait pas sortir de l'islam, et on a donné des preuves à ce sujet-là. Le cheikh, il explique ensuite qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de nommer quelqu'un musulman et de dire en même temps qu'il est pécheur, qu'il a fait un péché, ou qu'il est un fasiq, un pécheur, un pervers ou un transgresseur par rapport au péché qu'il a commis. Donc il n'est pas sorti de l'islam uniquement à cause de son grand péché. On a déclaré qu'il est croyant, sauf que sa foi est diminuée à cause de ce péché-là. On est rendu maintenant au point où on va parler des différentes catégories de mécréance et des différentes catégories de shirk, de kufr et de shirk. Et le frère, qu'est-ce qu'il mentionnait justement avant de commencer, là, c'est exactement le sujet. Donc le cheikh, il dit بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ جَاءَتْ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ عَلَى قِسْمَيْنِ أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم. فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما إلى آخره. Donc on va expliquer maintenant ce passage là. On a expliqué que le kufr, le shirk, le dhulm, le fusuq, le nifaq, il est mentionné dans les textes de la révélation, le Coran et la Sunna, de deux catégories. Tous ces termes-là sont employés dans le Coran et dans la Sunna, et ils sont employés, on peut les diviser en deux catégories, ce qui est majeur et ce qui est mineur. Donc pour revenir à ces termes-là, parce qu'on en a mentionné on a fait une énumération assez longue, et peut-être que certains de ces termes-là, en arabe, certains d'entre nous, on les confond, on les mélange, ou bien on ne les distingue pas comme il faut. Donc, le cheikh, il a mentionné plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 5 termes. Al-kufru, ça veut dire la mécréance, hein, le rejet de la foi. Al-shirku, c'est le fait de donner à Allah des partenaires dans l'adoration, de faire le shirk, hein, d'offrir à Allah une forme, d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, ça c'est du shirk. Al-dhulmu, c'est de l'injustice, hein, c'est de l'injustice, et la plus grande forme d'injustice c'est le shirk, hein, on a parlé de ça déjà. Al-fusuq, hein, c'est al-fusuq, les ulama, ils disent que ça veut dire d'exposer la désobéissance, hein, le fait de montrer la désobéissance. Et al-nifaq, c'est-à-dire le fait de cacher la mécréance et de montrer la foi. On a déjà expliqué ça aussi. Donc dans toutes ces catégories-là, il y a une forme qui est majeure et une forme qui est mineure. On peut dire par exemple que le kufr, il y a un kufr qui est akbar et un kufr qui est asrar, une mécréance qui est majeure et une mécréance qui est mineure. Le shirk, on peut dire la même chose, un shirk majeur, un shirk mineur. Le dhulm, on peut dire la même chose, un dhulm majeur qui est le kufr, qui fait sortir de l'islam, et le mineur, le dhulm mineur. Et le fusuq, la perversité, la même chose, on peut dire un majeur et un mineur. Et le nifaq aussi, il y a un nifaq, une hypocrisie, ou un nifaq majeur et une hypocrisie mineure. El fusuq, l'exemple, par exemple, Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé, alors qu'il était parmi les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala dit fafasaqa an amri rabbi, c'est-à-dire il a refusé ouvertement de se soumettre au commandement de son Seigneur. Cette forme de fousouk, c'est une forme de fousouk majeure, parce que c'est une forme de mécréance. Pourquoi? Parce qu'il a refusé l'ordre d'Allah par orgueil, hein, par arrogance et orgueil. Et un nifaq, l'hypocrisie, hein, majeur, mineur. Tous les péchés qu'on fait, par exemple, on peut dire que c'est des formes de péché, comme les ulama ils distinguent parfois entre qu'est-ce qui est nifaq amali et nifaq qalbi. Le nifaq, l'hypocrisie du cœur, et l'hypocrisie des actions. Comme mentir, par exemple, ou trahir sa parole, manquer à son engagement. C'est des formes de nifaq. Sauf que c'est des formes de nifaq dans l'action, pas des formes de nifaq dans le cœur. Hein? Et si quelqu'un le fait, ça ne veut pas dire qu'il est « darkil asfali minan nar ». Il ne va pas être dans le plus bas de l'enfer, comme Allah il mentionne. Parce que ça, c'est à propos du munafiq, al-nifaq al-akbar, al-nifaq al-qalbi, hein, l'hypocrisie du cœur, celui qui renie dans son cœur la foi à l'intérieur, alors qu'il prétend à la foi avec sa bouche. Donc, il est important de comprendre qu'il y a ces deux catégories-là. Et le cheikh explique que tout ce qui est majeur parmi ces catégories-là, c'est ce qui fait sortir de l'islam, parce que c'est en opposition avec un fondement, hein, de, un des fondements parmi les fondements de la religion. Donc, c'est quelque chose qui vient en, en opposition totale avec un des fondements de la religion. Donc, on va dire que c'est majeur, hein, comme le kufr majeur, le shirk majeur, hein, le dhulm majeur. Et qu'est-ce qui est asrar? C'est qu'est-ce qui vient nier ou contredire la perfection de la foi. Et non pas la base de la foi, mais le perfectionnement de la foi. Qu'est-ce qui vient diminuer la perfection de la foi? Donc ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Et le cheikh, il dit que cette division-là, c'est une division qui nous vient des salafs, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis. C'est eux qui ont expliqué cette division-là parce que personne n'a mieux compris le Coran que eux, puisque ce sont eux qui ont appris le Coran directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement la récitation du Coran, mais la compréhension et l'application du Coran. Hein? Mohammed, kayfa hal? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, c'est pour dire que parmi les ulama, parmi les sahaba, il y avait des ulama, et parmi les ulama des sahaba, Abdullah ibn Abbas, c'est un des plus grands. Et on l'appelle même Turjuman al-Qur'an. Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire l'interpréteur du Qur'an. Et Hibrul Umma, on l'appelle, ou bien Habrul Umma. Pourquoi? Parce que Yani, c'était un des grands savants parmi les musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a même fait un dua particulier pour lui. Hein? Il a dit Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Hein? Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation, hein? L'interprétation, c'est-à-dire l'explication du Coran. Donc il est un des grands ulama et il a expliqué les versets du Coran par rapport à la question du kufr et du dhulm et du fisq et du nifaq. Et il a clarifié qu'il y a une forme de ça qui est majeure et une forme de ça qui est mineure. Comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on va le mentionner après de toute façon, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants, les kafirun, ou bien les injustes, ou bien les fasiqoun, les pécheurs ou les pervers. Donc, il a expliqué à propos de ça que celui qui renie complètement le jugement d'Allah, lui c'est le kafir, hein, le kufr akbar, puis celui qui ne rejette pas complètement le jugement, mais qui juge selon sa passion, alors lui c'est un nifaq, hein, ou bien plutôt c'est un kufr duna kufr, une forme de mécréance qui est moindre, ou en dessous de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc c'est un kufr, mais en dessous du kufr. Kufrun duna kufr. Hein? Un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Et un dhulm duna dhulm. Une forme d'injustice, mais en dessous de l'injustice qui fait sortir de l'islam. Et un fisq duna fisq. Un fisq qui est en dessous du fisq qui fait sortir de l'islam. Et il y a un nifaq également majeur et un nifaq mineur, la même chose. Et le cheikh, il dit ensuite, parce que les khawarij, eux, ils ne croient pas en cette distinction-là. Les khawarij, ils disent non, kufr, c'est le kufr. Il n'y a que le kufr akbar, pas le kufr asrar. Ils pensent que tous les kufr, ça fait sortir de l'islam, peu importe. À cause de leur ignorance et de leur limitation dans la compréhension de la religion. Donc le cheikh, il dit فَاللَّهُ تَعَالَى سَمَّى مَنْ دَعَى غَيْرَهُ كَافِرًا وَمُشْرِكًا وَظَالِمًا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ تَعَالَى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإذا فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسوق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé toute personne qui invoque une chose quelconque en dehors d'Allah comme étant un mushrik, comme étant un zalim, un injuste, et il mentionne des versets à ce sujet. Par exemple, un verset qui est le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque invoque avec Allah une divinité, une autre divinité, au sujet de laquelle, bien entendu, il n'y a aucune preuve, alors son jugement incombe uniquement à son Seigneur, il ne donne pas le succès aux mécréants. Ça, c'est la preuve que celui qui fait le shirk, il est kafir. Parce qu'Allah dit innahu la yuflihu al-kafirun. Et dans l'autre verset, dans un autre verset, dans Surat al-Jinn, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, dit au Muhammad, je ne fais qu'invoquer mon Seigneur, je n'invoque que mon Seigneur, et je ne fais aucune forme de shirk avec lui. C'est-à-dire, je ne vais pas associer quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. J'invoque uniquement Allah et personne d'autre que lui. Hein? Le verset 106 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah, hein, ce qui ne peut ni te nuire ni te profiter. Il dit, si tu fais cela, tu seras certes du nombre des injustes. Ici, de l'injuste, en voulant dire, tu seras du nombre des mushrikines, hein, du nombre des kuffars. Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice. Hein? Donc, al-zalimun, ici c'est... Allah dit dans un autre verset, « Wal-kafirun ahum al-zalimun. » Les mécréants, ce sont eux les injustes. Hein? Et dans l'autre verset, le verset 50 dans Surat Al-Kahf, « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » Lorsque Allah dit aux anges de se prosterner, alors ils se sont tous prosternés, excepté Iblis. Il était parmi les djinns, il faisait partie du nombre des djinns. Hein? Donc c'était un djinn parmi les anges. Hein? Il était un serviteur rapproché d'Allah à l'époque. Et donc, quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés. Lui, il a refusé. Il est resté debout. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Il a montré ouvertement son opposition au commandement d'Allah. Donc, il s'est enflé d'orgueil. Et le cheikh explique que ça, donc, c'est à propos du shirk, du kufr majeur, du shirk majeur et du dhulm, l'injustice majeure, et du fisq majeur aussi. Et avec cette forme de ces formes-là, dans ce sens-là, dans la forme de qu'est-ce qui est majeur, il ne peut pas y avoir de foi du tout. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, ça veut dire que, une fois qu'il y a du kufr majeur, ou du shirk majeur, ou du dhulm majeur, ou du fisq majeur, il n'y a pas de foi qui peut être réunie avec ça. Il dit, en ce qui concerne le shirk ou le kufr ou l'asrar, le shaykh il explique ensuite, il dit, « قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. Donc le cheikh il dit dans cette catégorie il parle du shirk et du kuf mineur. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 44 dans surat al-Ma'idah et le verset 45 et 47 dans ces séries de versets là il conclut chacun de ces versets par la phrase et quiconque ne juge pas par ce que Allah a révélé alors ceux-là sont les mécréants, alors ceux-là sont les injustes, alors ceux-là sont les pervers ou les pécheurs, hein. Donc ça c'est pour dire que la personne en question qui fait ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça dépend de l'état de cette personne. Soit qu'elle le fait parce qu'elle renie complètement le jugement d'Allah, alors dans ce cas-là c'est du kufr majeur. Toutefois si elle reconnaît et qu'elle accepte le jugement d'Allah, mais qu'à cause de sa passion ou de ses désirs, elle a dévié du jugement d'Allah et qu'elle juge selon autre que la vérité, alors dans ce cas-là, tu vas dire que c'est un kufr ou un shirk ou un zulm mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord ? Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ça, c'est important pour bien comprendre parce que beaucoup de khawarij, de takfiriyin à notre époque, ils ont mal compris ces versets-là. Et à cause de ça, ils ont déclaré kuffar tous les dirigeants musulmans et même des musulmans du commun aujourd'hui à cause de ça. Parce que le jugement par rapport à la religion d'Allah, c'est pas quelque chose qui est obligatoire uniquement pour les dirigeants et pour les juges dans les tribunaux, mais c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous aussi. Parce que chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours, par rapport à notre croyance, par rapport à notre pratique, on a à juger entre le vrai et le faux, entre les gens, entre les choses, sur différentes choses, même dans notre maison parfois, avec nos enfants, avec notre épouse, avec nos familles, avec nos amis, avec nos... On a à juger, hein, sur différentes questions. Et on doit distinguer entre ce qui est fait, vrai et faux, qu'est-ce qui est juste et injuste, et ainsi de suite. Et dans les questions de la croyance, dans les questions de des droits, la question de toutes sortes de sujets, du commerce ou de la vente, ou on doit être juste envers tout le monde, hein, même envers les kuffars, on doit être juste. Et si on juge avec injustice et qu'on contredit le jugement de l'islam par rapport à un sujet quelconque, alors qu'on a connaissance de ça, hein, eh bien, on pourrait dire alors dans ce cas-là que ça fait partie de juger par autre que ce que Allah a révélé. Mais est-ce que on va déclarer mécréant tout musulman qui juge avec injustice ou qui commet un péché? Non, on l'a déjà expliqué tout à l'heure que de commettre un péché, hein, ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam du moment que la personne elle le rend pas licite. Et les ulama ils ont expliqué ça par exemple par rapport au jugement par autre que la loi d'Allah. Ils ont dit si par exemple quelqu'un comme Cheikh parmi les ulama Cheikh Ibn Baz il mentionne ça cette énumération là. Il y a pas de tableau mais il y a un tableau là-bas. En tout cas, c'est pas grave, j'aurais écrit ça mais ça prend du temps donc juste imaginez-vous le tableau dans l'espace là comme ça dans les airs. Hein, celui qui considère que les lois des hommes est supérieure à la loi d'Allah. Lui, il est kafir. Kufr akbar. Kufr majeur. En dessous de celui-là, celui qui considère que la loi des hommes, elle est équivalente à la loi d'Allah. Elle n'est pas supérieure, mais elle est équivalente. C'est-à-dire, c'est la même chose. Hein? La loi des hommes et la loi d'Allah, c'est pareil. Hein? Il dit ça. Donc ça aussi, c'est du kufr majeur. Ça fait sortir de l'islam. Et en dessous de cette catégorie-là, celui qui dit, par exemple, que le fait de juger par la loi des hommes, c'est pas supérieur à la loi d'Allah et c'est pas égal à la loi d'Allah, mais c'est permis quand même. T'as le droit de le faire si tu veux. C'est-à-dire, tu peux juger par la loi d'Allah ou par le Tarot, par par les, qu'est-ce qui contredit la charia, c'est pas grave, c'est permis. Ça c'est considéré comme rendre licite ce qui est interdit, et ça c'est haram, c'est du kufr majeur aussi. Tandis que la personne qui juge selon sa passion et qui contredit le jugement d'Allah, ou qui juge par la loi des hommes, mais qui en même temps elle le fait en reconnaissant que qu'est-ce qu'elle fait c'est interdit, et qu'elle le fait parce qu'elle suit sa passion ou son désir, ou parce qu'elle veut de l'argent, elle aime l'argent ou des choses comme ça, sans toutefois renier le jugement d'Allah ni en le rendant licite, cette personne-là, les ulama ont dit de lui que c'est un musulman qui est un pécheur, et que son kouf est un kouf mineur et non un kouf majeur. Hein? Donc il faut bien distinguer entre ces catégories-là pour éviter justement de tomber dans l'extrémisme à ce sujet-là. Et le cheikh, il explique par rapport à l'exemple d'un autre péché qui a été catégorisé ou mentionné dans le Coran comme étant une forme d'injustice, c'est le fait de consommer l'héritage ou le bien de l'orphelin. Quelqu'un, par exemple, ses parents sont morts et lui, il a une richesse ou il a de l'argent qui est resté de son père, et son oncle ou un de ses proches ou quelqu'un qui s'en occupe de cet enfant, qui garde l'argent pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il sera capable de gérer lui-même son argent. Alors la personne, si elle consomme l'argent de cet orphelin-là, c'est comme si elle mange du feu, hein, de l'enfer. Et Allah va le brûler en enfer, et ça c'est qualifié comme étant une forme d'injustice, parce qu'il dit « zulman », donc par injustice. Donc ça, est-ce que ça c'est le zulm majeur ou le zulm mineur? Ça c'est le zulm mineur, parce que ça c'est pas quelque chose qui vient en opposition avec le fondement de la foi et de la croyance. C'est un péché. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. C'est-à-dire d'insulter le musulman, c'est un péché, c'est une perversité. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ, c'est-à-dire de le combattre, c'est du kufr. Et est-ce que le fait de combattre un musulman ou de se battre avec un musulman, ça veut dire que tu deviens mécréant, que tu vas être en enfer pour l'éternité à cause de ça? Non. Hein? Et la preuve, c'est dans les versets qu'on a lus tout à l'heure. Hein? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا jusqu'à إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Ça veut dire que la personne qui a combattu un musulman, Allah l'a quand même appelé croyant. Puisqu'il dit, si un ta'ifatan min al-mu'minin, deux groupes parmi les croyants, ils se combattent, mais il les a quand même appelés croyants. Donc ça veut dire qitaluhu kufr. Son action est un kufr. Mais ça ne veut pas dire que c'est un kufr majeur. Et c'est comme si tu dis à quelqu'un qui fait quelque chose qui est péché, oh mon frère, toi tu agis comme les koufars. Hein? Ça veut pas dire qu'il est kafir. Et ça veut pas dire que tu es en train de le déclarer kafir. Mais tu es en train de lui dire que son action, ou son acte, ou son geste, est un geste qui est fait en d'habitude ou d'ordinaire par les koufars et non par les croyants. D'accord? Et des fois, tu vas dire ça à quelqu'un, ah, regarde, lui, il s'habille comme les koufars, ou regarde, il agit comme les koufars. Ou bien, ça c'est comme, ce comportement-là, c'est le comportement des koufars. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut distinguer, entre le fait de déclarer quelque chose comme étant quelque chose qui est kufr, qui fait partie des caractéristiques du kufr, mais qui n'est pas nécessairement à la base une forme de rejet des fondements de la religion ou de la foi. D'accord? Man halafa bi ghayrillah, celui qui juge par autre que Allah, il a kafar ou ashrak, il a fait un kufr ou un shirk. Donc ici les ulama ont dit ça c'est une forme de shirk mineur. Pourquoi? Parce que c'est des formes de shirk que les gens prononcent parfois sans même y penser, sans même y croire réellement. Ils vont jurer par quelqu'un ou par quelque chose, sans vraiment vouloir le sens de ce qu'ils disent. comme quelqu'un qui dit je jure sur l'honneur, ou je jure sur le Coran, ou le Coran c'est la parole d'Allah, donc ça c'est pas considéré comme une forme de shirk ou de kufr. Mais disons quelqu'un qui jure par la Kaaba par exemple, hein, ça c'est considéré comme une forme de shirk, c'est une forme de shirk mineur, parce que le musulman n'a pas le droit de jurer par autre chose que par Allah. Et si tu jures par une créature parmi les créatures d'Allah, ça c'est considéré comme étant du shirk. Mais c'est une forme de shirk mineur. Ça peut quand même devenir une forme de shirk majeur. Mais dans quel cas? Non, pas s'il le pense pour de vrai. C'est plus que ça en fait. C'est... Ouais, c'est que s'il donne un respect à cette chose et il le fait pour honorer cette chose comme on honore Allah. Que le respect qu'il a pour cette chose est équivalent à ce qui revient à Allah, alors là, dans ce cas-là, oui, ça devient du shirk majeur. Hein? Comme quelqu'un, comme par exemple les mushrikines qui jurent par leurs idoles ou leur divinité en dehors d'Allah, ça c'est du shirk majeur. D'accord? Et le shaykh il dit فَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ وَالشِّرْكُ الْأَصْغَرُ وَالظُّلْمُ الْأَصْغَرُ وَالْفِسْقُ الْأَصْغَرُ وَهَذَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ الْإِيمَانُ. Donc ça c'est des formes mineures de ces différentes choses, du kufr, du shirk, du dhulm et du fisq, et on peut avoir ces formes là tout en étant croyant, selon ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la sunna, et les salafs se sont tous mis d'accord sur ce point là sauf que ça diminue la foi, ça fait baisser la foi, et ça également, ça vient en contradiction avec l'aspect parfait de la foi, de compléter la foi. Donc c'est quelque chose qui diminue la perfection de la foi, ou le perfectionnement de la foi. Inch'Allah, maintenant on va expliquer un autre point. الَّذِينَ يُرَاءُونَ c'est الرِّيَا. الرِّيَا c'est une forme de shirk mineur, c'est-à-dire le fait que quelqu'un fasse une action dans le but de se faire glorifier ou de se faire voir, et الرِّيَا c'est quelque chose qui est dans le cœur, et la personne qui fait une œuvre dans le but de se faire voir ou de se faire entendre ou de se faire glorifier, cette œuvre-là Allah ne va pas lui récompenser du tout, parce que c'est comme s'il ne l'avait pas fait pour Allah seulement. Il l'a fait pour avoir quelque chose en retour de la part des créatures. Et donc ça c'est une forme de shirk, mais c'est une forme de shirk mineur. C'est une forme de shirk mineur. Et non. Donc ça c'est ce qui vient conclure, disons, ce chapitre-là. Maintenant on va passer à un nouveau chapitre, le chapitre numéro 7. Et ce chapitre-là, c'est à propos de la foi ou la position correcte vis-à-vis des sahaba du messager, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ce point-là est très important, parce qu'il y a beaucoup de groupes et de sectes qui ont dévié sur cette question-là. Parmi les exemples de ceux qui ont dévié sur cette question, il y a les Rafida, parmi les Shia, puisque eux, ils dénigrent les Sahaba et les insultent. Et il y a les Khawarij aussi, puisque certains d'entre les Sahaba ont été déclarés kuffar par les Khawarij, et même que les Khawarij ont combattu les Sahaba. Et aussi les Mu'tazila, qui dénigrent aussi les Sahaba. Parce qu'ils considèrent que toute personne qui n'a pas étudié la philosophie et qui n'en a pas parlé de la logique, hein, de la logique, il n'a pas bien compris la religion. C'est ceux qui ont compris bien la religion, pour eux, c'est ceux qui ont étudié la philosophie, qui ont compris la logique, des Grecs, des trucs comme ça. Donc ils dénigrent les Sahaba et ils rejettent les hadiths, hein. Et il parle des salafs avec des termes dénigrants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est parmi les gens, mais de façon générale, les gens de Bid'a, ils dénigrent les Sahaba, de façon générale. Mais ils ne les dénigrent pas toujours de façon explicite ou directe. Maintenant on va lire ici qu'est-ce que le Cheikh a expliqué à ce sujet-là, c'est un sujet très important. Il dit وَمِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَحَبَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُوَالَاتُهُمْ وَالتَّرَضِّي عَنْهُمْ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار نعم. Donc je reprends ici. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. Donc le Cheikh il explique premièrement en disant que la croyance des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a c'est d'aimer les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre pour alliés, hein, de les supporter et d'être satisfait d'eux en mentionnant l'agrément d'Allah sur eux, quand on dit radiallahu anhum, et de demander pardon pour Allah, de demander pardon pour eux, hein, à Allah, et de leur faire des éloges, de parler d'eux avec des termes élogieux. Et parmi les preuves à ce sujet, le verset 100 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, والسابقون الأولون. السابقون, c'est-à-dire ceux qui ont précédé et qui ont dépassé, hein, parmi les premiers croyants, les muhajirin et les ansar, les muhajirin qui viennent de la Mecque, qui ont accepté la foi et qui ont été chassés de leur pays, hein, à cause de leur islam et qui se sont réfugiés, hein, à Médine. Ils ont émigré, ils ont fait la hijra à Médine avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ansar, c'est ceux qui ont supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont accueilli à Médine chez eux. D'accord? Et ceux qui les ont suivis après, hein, ceux qui après ça les ont suivis bi-ihsan, de la meilleure manière, avec ihsan. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà l'énorme succès. Et le Cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il est satisfait des premiers parmi les muhajirin et les ansar, il est satisfait d'eux sans mettre la condition que ce soit avec ihsan. Sans mentionner la condition que ce soit, hein, avec ihsan. Puis il a mentionné que il ne sera pas satisfait de ceux qui les ont suivis, excepté s'ils les suivent avec ihsan. Donc ça veut dire que les sahaba, c'est les seuls qui peuvent être certains d'avoir l'agrément d'Allah. Et tous ceux qui sont venus après les sahaba ne peuvent recevoir l'agrément d'Allah que à condition d'avoir suivi les sahaba avec ihsan, c'est-à-dire de la meilleure manière. Si tu les as pas suivis avec ihsan, Allah sera pas satisfait de toi. C'est seulement les sahaba qui peuvent dire ou qui peuvent être certains que Allah est satisfait d'eux. Personne d'entre eux, les musulmans qui viennent après eux, peuvent prétendre à ça, excepté s'ils les ont suivis, c'est-à-dire qu'ils ont suivi les sahaba avec ihsan. Et ce verset, c'est une des preuves, parmi les preuves que les ulama ont mentionnées pour établir que de suivre les salafs, c'est une obligation pour le musulman. Et que si tu ne suis pas les salafs avec ihsan, Allah ne sera pas satisfait de toi. Et il dit ensuite, le Cheikh, وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ أَبَدًا وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Également parmi les versets que les ulama ont mentionnés pour montrer le degré et le statut des sahaba, qui est un statut particulier parmi les musulmans, c'est le verset 18 dans Sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils ont fait l'allégeance au messager, ils ont fait l'allégeance sous l'arbre, hein, Bay'at al-Aqaba, lorsqu'ils ont donné l'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Al-Hudaybiyah. Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, lorsqu'il a agréé quelqu'un et qu'il est satisfait de lui, il ne sera jamais en colère contre lui. Et ça, c'est établi dans le hadith authentique, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, personne de ceux qui ont donné l'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Personne de ceux qui ont donné l'allégeance au messager sous l'arbre n'entrera en enfer. Ça, c'est un hadith sahih. Le cheikh, il dit ensuite, Fadlul Muhajirin, le mérite des Muhajirin. Et après, il mentionne le mérite des Ansar. Il dit, ذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم صادقون. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les muhajirin et les a décrits comme étant des véridiques, et il cite le verset 8 dans surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des muhajirin, les pauvres parmi les muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure avec leurs biens, hein, il y en a de leur demeure et de leurs biens, en recherchant d'Allah la grâce et l'agrément, et qui défendent Allah et son messager, ceux-là sont les véridiques. Puis à propos des Ansar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans le verset 9, dans la même sourate, sourate al-Hashr, et ceux qui ont cherché refuge dans la demeure, c'est-à-dire à Médine, c'est-à-dire ceux qui ont déjà habité plutôt dans la maison, c'est-à-dire à Médine, wal-Iman, et dans la foi, hein, min qablihim, c'est-à-dire ils habitaient dans cet endroit-là avant les muhajirin, parce que c'est les habitants de Médine, les Ansar. Yuhibbuna man hajara ilayhim, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, et ils ne trouvent en eux-mêmes, dans leur âme, aucun besoin par rapport à qu'est-ce qu'ils ont reçu, du fait qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont comme bien, et ils préfèrent même le donner aux muhajirin, même si eux-mêmes ils sont dans le besoin, ils sont dans la difficulté, ou ils sont dans la famine, hein, dans une disette, hein. C'est-à-dire que ils vont préférer donner à leurs frères parmi les muhajirin ce qu'ils ont, même si eux-mêmes ils sont dans le besoin. Et il dit, quiconque donc est préservé contre sa propre avarice ou bien la cupidité de son âme, alors ceux-là sont les, hein, ceux qui ont le succès. Il dit, ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال donc les deux versets que le cheikh a mentionné c'est à propos de ceux qui il dit premièrement ceux qui parmi les croyants sont venus après les sahaba hein et qui les ont suivis avec ihsan, de la meilleure façon, sans extrémisme, sans exagération et sans laxisme, dans le juste milieu. Il dit à propos de ceux-là, dans le verset 10, dans Surat al-Hashr, et ceux qui sont venus après eux disent « Ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Et ne met pas dans notre cœur de la rancune pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes, hein, Ra'ufur Rahim. Hein? Compatissant et miséricordieux. Barakallahu fik. Et le verset dans Surat Al-Fath, le verset 29, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont rudes envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois. Hein, qui s'inclinent et qui se prosternent, recherchant dans Allah grâce et agrément. Ils ont sur leur front la trace de la prosternation. Cela est leur exemple dans la Torah et leur exemple dans l'Évangile. C'est comme une plante hein, qui sort sa pousse et qui se dresse sur sa tige et qui éblouit hein, qui devient de plus en plus épaisse. Et qui se tient sur sa tige et se dresse sur sa tige et qui éblouit les cultivateurs et qui met la rage dans le cœur des mécréants. Allah a donné la promesse à ceux qui ont cru et qui font les bonnes œuvres parmi eux, un pardon, hein, qu'ils auront un pardon et une immense récompense. Ça, c'est la description des sahaba dans ce verset-là. Et l'imam Malik, il dit à propos de ça, قال الإمام مالك رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. Il dit quiconque, hein, l'imam Malik a dit quiconque a trouvé en son cœur une rage contre un d'entre les sahaba du messager d'Allah, il a été frappé par ce verset. Pourquoi? Parce que dans le verset, que ce soit le verset 10 dans Surat al-Hashr, ou le verset 29 dans Surat al-Fath, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit premièrement dans le verset 10 dans Surat al-Hashr, Allah il dit وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ne mets pas dans notre cœur aucune rancune pour ceux qui ont cru, en parlant des sahaba. Donc si quelqu'un a de la rancune pour ceux qui ont cru, alors ça veut dire qu'il ne rentre pas dans ce verset-là. Il ne rentre pas dans le dua pour les sahaba et pour les croyants. Hein? Et les rafidas, ils ont de la rancune envers les sahaba, donc ils ne rentrent pas hein, dans ce dua-là. Et dans l'autre verset, Allah dit « يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ » يَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala met la rage hein, des kuffars contre eux. Donc si quelqu'un a la rage contre eux, il fait partie des kuffars. Et les rafidas, ils ont la rage contre les sahaba. Donc, ils font partie des kuffars. Et c'est ça que l'imam Malik veut dire ici, que si quelqu'un parmi les gens ressent dans son cœur de la rage contre un d'entre les sahaba, il a été frappé par ce verset. Hein? Soit qu'il a de la rancune ou de la rage, alors il est frappé par ce verset. Hein? Il ne fait pas partie des musulmans. Et le shaykh, il dit, وَقَالَ تَعَلَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو الصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة وقال قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Donc le cheikh explique Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne premièrement le verset 74 dans Sourate Al-Anfal dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui ont cru et qui ont fait la hijra et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, qui ont fait le jihad dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont accueilli et qui ont défendu, donc ça comprend les muhajirin et les ansar, ulaika humul mu'minuna haqqan, ceux-là sont les vrais croyants. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, ils auront un pardon et une généreuse subsistance. Ça veut dire que yani Allah il fait l'éloge des sahaba dans le Coran, il mentionne qu'ils vont être ils sont les vrais croyants, ce sont eux les vrais croyants. Donc comment quelqu'un peut se permettre par la suite de venir puis de les critiquer ou de les insulter et de les détester ou de penser même que parce qu'ils les insultent Allah leur récompense. Yani a'oudou billah, ils ont fait de l'insulte des sahaba une ibada, les rafida. Ils ont fait de l'insulte et du dénigrement des sahaba une adoration. Ils pensent que quand ils insultent les sahaba, Allah leur donne des hasanat. Il faut être malade, pour avoir ce genre d'idée ou de pensée. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que des éloges pour eux. Et j'ai déjà une discussion avec un des rafidats. Et les rafidats, vous savez, ils croient pas en la sunna. En général, ils croient pas en la sunna. Donc si tu leur ramènes des hadiths, ils vont discuter avec toi. Ils vont pas être satisfaits. Mais si tu leur ramènes les hadiths, les versets dans le Coran, tous les versets qui font l'éloge des sahaba, ils sont bouche bée, ils peuvent plus rien dire. Tous ces versets-là qu'on a mentionnés là, c'est des versets qui font les éloges des sahaba. Allah dit qu'il est satisfait d'eux, que ce sont les vrais croyants, qu'il fait leurs éloges et il mentionne que ce sont les véridiques et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent rien dire contre ça. C'est pour ça que beaucoup de shi'a, rafida, ils disent « Oh, mais le Coran, il n'est pas authentique, il a été changé. » Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a les preuves que eux, ce qu'ils croient, c'est faux. Et c'est pour ça. Ils ont toujours été les plus grands alliés des kuffars contre les musulmans. Après, le cheikh, il dit que les sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur mérite et il dit que parmi les sahaba, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ils ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui ont cru avant la conquête de la Mecque, il y en a qui ont cru après la conquête de la Mecque. Il y en a qui ont cru avant la hijra, il y en a qui ont cru après la hijra. Il y en a qui ont cru à Mecca, il y en a qui ont cru à Médine, et ainsi de suite. Donc il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Même les sahaba, ils mentionnent, les ulama, ils mentionnent à propos des sahaba que ceux qui ont participé, par exemple, à la bataille de Badr, ceux qui ont participé à la bataille de Badr, ils sont meilleurs, wa alaykoum salam wa rahmatullah, que ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Et ainsi de suite. Donc, ceux qui ont été présents à Al-Hudaybiyah, ils ont un mérite spécial. Et ainsi de suite. Donc, il y a des sahaba qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, dans le point que le cheikh mentionne ici, il explique que Al-Fatih, la conquête, ici la victoire, c'est Al-Hudaybiyah, l'entente qui a été signée avec les mouchriquins, l'entente de paix qui a été signée avec les mouchriquins, c'est ça la victoire, la grande victoire. Alors que beaucoup de gens pensent que la victoire en question, c'est la conquête de la Mecque. Et en réalité, c'est l'entente de paix de Al-Hudaybiyah, parce que c'est ça qui a été le début de la victoire. C'est à partir de ce moment-là que les musulmans ont eu la paix et qu'ils ont pu se concentrer sur l'apprentissage et l'enseignement et la da'wa et ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait que les musulmans ont eu la victoire à la fin. Donc, il dit que ceux qui ont... وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ. Oui, c'est ça. Donc ceux qui ont dépensé de leurs biens et qui ont combattu avant Al-Hudaybiyah, sont meilleurs que ceux qui ont dépensé et qui ont combattu après Al-Hudaybiyah. Il dit, mais les deux, que ce soit ceux qui ont combattu avant la conquête ou après, dans les deux cas, sont, Allah leur a promis le paradis. Et il dit, dans le verset 10, dans Surat Al-Hadid, que ceux d'entre vous qui ont dépensé et qui ont combattu avant la conquête ne sont pas égaux à ceux qui ont combattu, qui ont dépensé après la conquête. Hein? Il dit, ceux-là sont plus grands en degré, hein? Ils ont des degrés plus grands que ceux qui ont dépensé et qui ont combattu après. Mais à tous les deux, Allah a promis le paradis, Al-Husna. Et Allah est, hein, est bien informé. Et de ce que vous faites, il est bien informé. Ensuite, il cite le hadith. « La tasubbu ashabi » Il dit « Fi s-sahihayni an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « La tasubbu ashabi » Wa fi lafzin li muslim « La tasubbu ahadan min ashabi falaw anna ahadan » أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة والمد ربع الصاع والنصيف نصف المد والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفة. Donc il dit le cheikh que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit n'insultez pas mes compagnons. C'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri dans Al-Bukhari Muslim. Et dans une autre narration de l'imam Muslim, il dit, n'insultez pas aucun d'entre mes sahaba, parce que si l'un d'entre vous donnait une quantité équivalente à la montagne de Uhud en or, cela n'aurait même pas atteint, hein, la valeur de ce qu'un sahabi a donné d'une poignée de main, ou bien la moitié même. Une moud. Les deux mains quand on colle ensemble, c'est ce qu'on appelle une moud. Eh bien, ça n'aurait même pas cette valeur-là, ni même la moitié de ça. Donc, c'est pour dire que yani, le mérite des sahaba, personne ne pourra jamais l'égaler. Personne. Peu importe son niveau de piété, son niveau de connaissance, son niveau de les œuvres, les bonnes œuvres qu'il fait. Et il dit ensuite, dans un autre hadith, il dit « Wa fi sahihayn aydan an Imran ibn Hussein » رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. Donc le cheikh il énumère un nombre de hadith ici qui mentionne, hein, les mérites des Ansar et des Sahaba et des Ansar de façon générale. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Imran ibn Hussein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs hommes sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. » Et Imran, il dit, je ne sais pas s'il a mentionné après sa génération, deux ou trois générations. Puis il dit ensuite, il y aura des gens qui vont témoigner sans qu'on leur ait demandé de témoigner et qui vont trahir et qui ne vont pas être fidèles et fiables et qui vont faire des vœux mais qui ne vont pas les respecter et on va voir apparaître chez eux as-siman, hein, c'est-à-dire la graisse, hein. Et il dit le mérite des Ansar, il dit parmi eux il y a Anas radiyallahu anhu qui a rapporté un hadith l'imam al-Bukhari et Muslim ont tous les deux rapporté, selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar, et le signe de l'hypocrisie, c'est de détester les Ansar. Et dans un autre hadith qui est rapporté par al-Bara ibn Azib, selon al-Bukhari et Muslim, par al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Ansar: nul ne les aime excepté un croyant, et nul ne les déteste excepté un hypocrite, et celui qui les aime, Allah l'aime, et celui qui les déteste, Allah le déteste. Et il dit également à propos à ce sujet-là encore, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, hein, que Abu Sa'id al-Khudri a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul ne déteste les Ansar, hein, c'est-à-dire une personne qui est croyant ne va pas détester, non, une personne qui croit en Allah et au jour dernier ne va jamais détester les Ansar. Et il dit ensuite à propos du mérite des gens de Badr: wa fi sahihayn min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi qissati Hatib ibn Abi Balta'a innahu qad shahida Badran wa ma yudrika la'alla Allah atla'a ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Donc parmi les mérite des gens de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'histoire à propos de Hatib ibn Abi Balta'a. Vous connaissez l'histoire, je pense, hein, quand il avait envoyé une lettre par l'intermédiaire d'une femme pour les gens de la Mecque, pour avertir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a expliqué la raison. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite: laissez-le, il a dit vrai. Et il a dit ensuite, il a été parmi ceux qui ont été présents à la bataille de Badr. Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr et il a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné aux gens de Badr, hein, tout ce qu'ils font. Donc on va terminer, inchallah, on a presque terminé. Le hadith suivant, c'est le hadith qui est rapporté à propos du mérite des sahaba qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Al-Hudaybiyah, Bay'atul Ridwan. Il dit le cheikh ici: wa fi sahih Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim selon Jabir ibn Abdullah, qui dit que yani Umm Mubashir a rapporté qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il était chez Hafsa, son épouse, hein, nul n'entrera en enfer, inshallah, parmi les gens qui ont donné l'allégeance en dessous de l'arbre, hein, et qui ont fait la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre, nul d'entre eux n'entrera en enfer. Et ils étaient 1400, et parmi eux Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Et il dit wa tartibu as-sahaba fil fadl, l'ordre dans lequel l'ordre du mérite parmi les sahaba, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on peut mentionner leur mérite, c'est-à-dire lequel d'entre eux est meilleur, et l'ordre de ça. Et le cheikh, il dit: wa ya'taqidu ahlu sunnati anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar al-Faruq wa hadha ijma'un min as-sahabati wat-tabi'in lam yakhtalifu fihi ahadun minhum wa qad tawatara an-naqlu عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. Donc le cheikh explique que les gens de la sunna, ils croient que les meilleurs de cette umma après son prophète, c'est Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu, puis ensuite Omar Al-Farouq. Et il dit que ça c'est le consensus de tous les sahaba et de tous les tabi'in, il n'y en a pas aucun d'entre eux qui a divergé à ce sujet-là. Et il dit ça, ça a été rapporté de manière, personne ne peut douter à propos de ça. Un grand nombre de rapporteurs a ramené cette parole de la part de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui l'a dit, le meilleur de cette umma après son prophète, c'est Abu Bakr et Omar. Lui-même Ali radiallahu anhu, il a dit ça. Alors que les Shia, eux, ils prétendent que le meilleur de cette umma, c'est Ali radiallahu anhu. Hein? Alors que Ali lui-même, il dit, le meilleur de cette umma, c'est Abu Bakr et Omar. On voit ici comment ils contredisent celui qu'ils prétendent suivre. Et ensuite, le cheikh, il dit, et le troisième, selon les gens de la sunna, c'est Uthman ibn Affan, et le quatrième, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Donc ça, c'est pour dire que l'ordre dans lequel ils ont été dans le khilafa, c'est le même ordre que dans le mérite et dans leur excellence. Non. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et demain, bi'idhnillah, on continuera la suite. Et on expliquera d'autres points parmi les points que le Cheikh nous a mentionnés dans le livre, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum, inshallah.